Chapitre 6e. Révolution. L'apparition d'un revenant sorti de terre n'eût pas été plus étourdissante, et ce fut alors un curieux spectacle que ces trois figures si étrangement réunies. Marie-Ange, toute rouge et toute tremblante entre les deux frères, n'osait plus envisager ni l'un ni l'autre. René considérait tour à tour avec tendresse et avec envie ses fiancés dont il venait de surprendre le secret et dont il tenait le sort dans sa main. Luc se croyait le jouet d'une hallucination et touchait son frère pour s'assurer que c'était bien lui. Luc Trouin avait quelques années de plus que René, mais on l'eût pris facilement pour son cadet, tant il lui cédait en force corporelle. C'était cependant la même taille, les mêmes traits, les mêmes yeux, le même timbre de voix, la même chevelure et à peu près le même costume. Mais tout cela respirait chez l'un la bravoure, l'insouciance et la folie, chez l'autre la timidité, la mélancolie et la raison. En un mot, Luc semblait être l'ombre, ou plutôt l'esprit, de René. Cependant, les acclamations se croisaient et se multipliaient entre les deux frères et la jeune fille. « Monsieur René, mon frère ici, vous nous écoutiez. Depuis quand êtes-vous revenu? Moi qui vous croyais retourné à Saint-Malo? Moi qui te croyais enfermé à Caen? » Nous ne répéterons pas ce dialogue entrecoupé d'interjections. Nous expliquerons plutôt la révolution qui venait de s'opérer chez notre héros. Son amour pour sa sœur de laine n'était qu'un ardent caprice, tandis que l'affection de Luc était une question de bonheur ou de malheur. Faut-il dire aussi que le nom de Madame de la Bourdonnais avait réveillé chez son jeune sauveur un songe merveilleux? Croyons plutôt que ce souvenir ne fut pour rien dans sa résolution, car il passa si vaguement dans sa tête que lui-même n'eût pu en rendre compte. Bref, arrachant de son cœur, non sans le faire saigner, sa passion pour Marie-Ange, il jura de sacrifier cette passion à l'amour de son frère. Sacrifice d'autant plus généreux, mais aussi d'autant plus opportun, que l'astre de René, on a pu le voir comme lui-même, venait de faire pâlir celui de Luc, aux yeux fascinés de la jeune fille. Allant donc tout droit à son plan qui s'improvisait dans son cerveau, et répondant à peine aux cris de surprise de son frère et aux questions troublées de Marie-Ange, « Non, mes amis, répéta René, qui les embrassa toutes deux à la fois, non, vous ne serez jamais séparés, jamais malheureux. Je le jure sur ma volonté qu'aucun autre ne fait plier encore. C'est votre faute aussi, sournois et ingrat que vous êtes. Vous n'auriez pas tant gémi si vous m'aviez confié vos peines. » Luc serra avec effusion la main de son frère, et Marie-Ange prit en rougissant celle de Luc. La leçon si délicate que lui donnait le premier avait ranimé toute sa tendresse pour le second. « Allons, reprit René, je vous pardonne et je me charge de vous marier. Comment cela? Vous le verrez. Bornez-vous à m'écouter et à m'obéir. Vous, Marie-Ange, cessez de pleurer votre père, ce n'est point sa vie qui est en péril. » René comprima un soupir. « Bernard reparaîtra, j'espère, tel qu'il l'a toujours été. Vous saurez alors le secret de sa disparition. En attendant, silence absolu. Toi, Luc, tu voulais entreprendre un rôle au-dessus de tes forces. C'est à moi de le jouer à ta place. Tu me céderas demain ton nom et ton costume de Forban au bal masqué de M. Trouin, et après-demain, ton poste au combat sur le pont de la Gabrielle. « J'y consens, mais cette fois, je serai ton partenaire, » s'écria vivement Luc. « Tu le seras même au bal si tu veux. Je t'offre, pour y garder l'incognito, une robe mirobolante et un étourdissant bonnet de président à mortier. Je les accepte, en signe d'heureux augure. Je ne te demande en retour, ajouta René, qu'un petit service. Pourquoi pas un grand? Je serai si heureux de me sacrifier à mon tour. La chose, au contraire, te profitera comme à moi. Il s'agit de prendre à ton compte et d'orner de ton paraphe les notes, mémoires, exploits, prothèses, saisies, prises de corps et autres billets doux que voici. » René tira de son pourpoint et jeta sur la table une liasse de papier couvert des timbres les plus sinistres du monde. « Tes dettes ?» s'écria Luc, qui recula avec un vertueux effroi. « Total, » poursuivit René en riant, « 9 377 livres, 9 sous 6 deniers, frais compris. Une vétille pour laquelle des nuées de records me harcèlent depuis 15 jours, tant et si bien que je ne puis plus voir le soleil qu'à la faveur de 1000 déguisements, ce qui fait de mon existence un carnaval perpétuel en attendant que j'aille passer mon carême en prison. Je serais heureux sans doute d'y aller à ta place. J'aimerais encore mieux cela qu'un voyage au long cours, mais je ne comprends pas la possibilité. Tu ne comprends pas. Notre père me reproche amèrement de faire des dettes, et à toi de ne pas en avoir. En te passant les miennes, je le satisfais doublement. Ils nous embrassent l'un et l'autre, ils payent la somme, personne ne va en prison, et tout le monde est content, même les créanciers. » Luc ne put s'empêcher de rire à son tour, et malgré sa répugnance à tromper M. Trouin, il prit une plume et s'assit devant le dossier fatal. Mais il n'avait pas tracé les lettres de son nom, que son frère l'arrêta en disant « Il est trop tard. Adieu mes beaux plans. Les records sont comme les loups. Quand on part de la bête, on en voit là. »